France Inter. Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, Roland Agret, quand l'erreur judiciaire devient horreur judiciaire. En 1973, cet homme âgé de 30 ans est condamné à 15 ans de prison pour complicité d'assassinat, celui de son patron André Borel et de son collègue Jean Borréno. Tous les trois travaillent dans le garage La Camargue, à Nîmes. Dès le début de l'enquête, Roland Agret crie son innocence, et puis tout au long du procès, et ensuite durant toute sa détention. Pourtant, il passe 7 ans en prison, une éternité pour un innocent. 7 ans, pendant lesquels il enchaîne les actions coup de poing, et il faudra qu'il frôle la mort pour qu'enfin on le libère. C'est le combat de toute une vie. Roland Agret se bat pour prouver qu'il n'a pas commandité les meurtres d'André Borel et de Jean Borréno. Et il est finalement gracié, en 1977, par Valéry Giscard d'Estaing, alors président de la République. Mais la liberté ne lui suffit pas, non. Lui veut qu'on reconnaisse son innocence et l'injustice dont il a été la victime. Notre invité aujourd'hui, Nicolas Poincaré, journaliste à RMC, auteur du livre coécrit avec Roland Agret, intitulé « Condamné à tort », un livre qui raconte une autre erreur judiciaire, celle dont est taillée victime Dany Le Prince dans les années 90. Affaires Sensibles, une émission de France Inter, diffusée en direct. Récit documentaire, Jeanne Boisec. Rédaction en chef, Franck Cognard. Chargé de programme, Rebecca de Nantes. Réalisation, Frédéric Milano. Fabrice Drouel. Affaires Sensibles. Sur France Inter. En 1970, j'ai été accusé d'un crime que je n'avais pas commis. Et malgré mes protestations d'innocence, j'ai été condamné à 15 ans de réclusion criminelle. Et je me suis battu pendant 15 ans, j'ai avalé des manches de fourchette, j'ai fait plein d'actes désespérés en prison. Heureusement, j'ai été soutenu par Marie-Jo, ma merveilleuse femme, n'est-ce pas ? Qui vous a épousé en prison, que j'ai épousé en prison. Roland Agret parle avec les mains. À la télé, son débit est rapide. Sa main gauche est proche de son visage et rythme sa parole. Et très vite, on remarque qu'il lui manque deux doigts, les deux derniers. Ses cicatrices, ses amputations, ce sont les signes de son combat. Il les porte avec lui, comme ce sentiment d'injustice qui le torture, comme il torture celles et ceux qui ont été condamnés à tort. Partout sur les plateaux télé, dans la presse, dans ses livres, depuis sa prison, Agret s'en prend à la justice. Et il devient un symbole, un homme au franc-parler qui a su se mettre au service de son innocence d'abord, de son combat ensuite et du combat des autres. Oui, pas seulement pour lui. Et il les défendra, les autres, jusqu'à la fin de sa vie. Pour lui, tout commence à Ortoux, près de Nîmes, le 10 novembre 1970. Ce jour-là, les gendarmes découvrent un cadavre, près d'une départementale. Le corps est criblé de balles et lardé de coups de couteau. Tout près, le même jour, un deuxième corps est retrouvé, la gorge tranchée. Rapidement identifiés, les deux hommes sont André Borel et Jean Borréno. Le premier est garagiste, le second son employé. Concernant Borel, l'écrivain Frank Spengler, qui a travaillé sur l'affaire à l'époque, précise sur BFM TV. C'est un petit notable, gentiment escroc, mais pas trop, qui est un peu repéré de la police, mais pas trop, qui vend de la voiture d'occasion, qui fait un peu des petits trafics, des petits machins, mais on n'est pas a priori dans le grand banditisme. Donc, règlement de compte. Alors les enquêteurs se penchent sur l'entourage d'André Borel. Ses employés, sa famille, ses ennemis. Depuis un moment, la rumeur court dans Nîmes que le garagiste et l'un de ses employés sont en conflit. Et cet employé, c'est Roland Agret. Il a 28 ans. Il travaille en tant qu'agent commercial dans le garage La Camargue. Ce que lui reproche Borel, d'être trop proche de sa compagne, Odile Boissonnet, une riche héritière, ce que Agret conteste d'ailleurs. Une femme qui semble quand même avoir beaucoup plus d'argent que son mari et qui fait un peu figure d'ovni dans ce milieu de mécanicien. Borel lui a emprunté de l'argent pour acheter son garage et il la sollicite régulièrement pour ses affaires. Et donc, André Borel soupçonne Roland Agret d'entretenir une relation avec elle. Précisons maintenant que le garage La Camargue est le lieu de tous les trafics. Armes, argent sale, pièces détachées, volées. Alors un jour, lassé de cette ambiance, Roland Agret claque la porte. Et il se trouve qu'Odile Boissonnet part avec lui. Elle s'est rendue compte que André Borel a trop souvent profité de son argent. Plusieurs fois, il lui a menti sur ses comptes et a profité de sa générosité. Évidemment, le départ d'Odile avec Roland envoie un message clair pour André Borrel. Bien sûr que ces deux-là sont amants, et il est foudrage. Vous êtes quand même parti avec... Alors, je suis parti avec elle, il faut savoir dans quelles conditions. On parle toujours de riche héritière, alors je suis désolé. Quand je pars du garage, je dis je pars, Borrel n'était pas là, selon ses habitudes, et je dis à Odile Boissonnet, écoute, je m'en vais. Elle n'est pas ma maîtresse. Elle me demande, je ne veux pas rester avec Borrel, il faudrait que tu m'accompagnes chez mon oncle, d'accord, à Saint-Raphaël, qui est avocat, maître Disley. Avant qu'elle parte, la riche héritière a tellement de la thune qu'avec son comptable, elle va au Mont-de-Piété, au Clou, pour mettre ses derniers bijoux qui lui restent de famille, parce que Borrel l'a spolié complètement. Mais elle part sans un rond, je suis bien placé pour le savoir, elle n'a plus rien à les vandaliser. Et je l'accompagne chez son oncle, Disley, avocat à Saint-Raphaël. Mais en ce mois de novembre 1970, ces détails ne sont pas connus. Non, ce qu'on entend, c'est cette rumeur, très banale en vérité, une bagarre entre deux hommes amoureux d'une même femme. Le problème, c'est qu'au cours de leur recherche, les gendarmes trouvent une arme chez Roland Agret. Qui plus est, il est déjà allé en prison pour complicité d'émission de chèques sans provision. Bref, une bonne tête de coupable. Alors, il est envoyé en prison à Nîmes pour détention d'armes prohibées. Or, cette arme, retrouvée chez lui, n'est pas celle du crime. Immédiatement, Roland Agret clame son innocence. Oh, il a bien conscience que son casier judiciaire le dessert, mais il a confiance en la justice. Il s'agit là d'une affaire beaucoup plus importante qu'une histoire d'arnaque, beaucoup plus grave. Et l'enquête, il en est certain, le blanchira. 6 mois plus tard, en avril 71, les gendarmes effectuent un contrôle routier dans le Gard. Un certain Antoine Santelli conduit une voiture volée. Il est arrêté. Et on trouve des armes dans le véhicule. L'homme a braqué plusieurs banques. Et immédiatement, les gendarmes pensent qu'il est coupable de double meurtre avec un complice, un certain Antoine Ritter. Mais il ajoute, et c'est là que commence le cauchemar dans cette histoire, il affirme que c'est Roland Agret qui les a missionnés. Santelli explique que le matin de l'assassinat, ils ont pris un café, tous les trois, avec Agret et le complice présumé Ritter. Agret est amoureux d'Odile Boissonnet, il a demandé aux deux truands d'assassiner le garagiste. Voilà. En revanche, le meurtre du jeune employé, Jean Borrello, n'était pas prévu. Une bavure, quoi. Toujours selon Santelli, il a été tué parce qu'il a tout vu. Mais c'était bien André Borrel, sa cible. En échange, pour les tueurs, 100 000 francs. Antoine Santelli est ferme dans ses déclarations. Mais Agret lui affirme tout autre chose. Il dit que cette réunion au café a bien eu lieu, qu'ils se sont bien rencontrés ce matin-là, mais précisément parce que Santelli voulait prévenir Roland. Attention, Borrel leur a demandé de le tuer en représailles de son départ avec Odile Boissonnet. Mais c'est la version de Santelli qui est retenue. Et l'enquête s'arrête là. Mais quelques années plus tard, Roland Agret, Antoine Santelli et Antoine Ritter ont rendez-vous avec la justice. Mes avocats à l'époque disent surtout tu ne dis rien parce qu'un innocent, ça n'encombre personne, ça ne dérange personne. Donc tu n'as rien à dire, il y a écrit acquitté en rouge. Ouais. Bon, donc je dis rien, malgré toutes les absurdités que j'entends. Alors je ne suis pas quelqu'un, je ne suis pas un saint, et puis alors je suis très content de ne pas l'être, ça doit être terriblement chiant d'être un saint. Ouais. Mais j'étais pas le garçon noir comme on a décrit. Et alors l'absurdité de l'accusation est tellement énorme, je dis bah. Évidemment, ils ont raison, ils ne peuvent pas me condamner. D'ailleurs, mes parents m'ont dit, et j'y croyais, « Mais tu n'as rien fait, on ne peut pas te condamner. » Février 1973, le procès d'assises s'ouvre à Nîmes. Dans le journal L'Aurore, on peut lire le titre suivant. Les tueurs à gages avaient dénoncé leur commanditaire. La messe est dite. Alors, il est important de rappeler qu'à ce stade de l'histoire, en 1973, la peine de mort est toujours requise dans les tribunaux en France. La menace plane toujours, et Roland Agret le sait. Et à l'issue des 3 jours de débat, pendant lesquels il reste assez silencieux, Antoine Santelli, 29 ans, est condamné à mort, et Antoine Ritter à la prison à vie. Roland Agret, lui, prend 15 ans. Tout le procès tourne autour de cette potentielle liaison entre Roland Agret et Odile Boissonnet. Et tout l'enjeu, c'est la confrontation entre la version d'Agret et celle de Santelli. Pourtant, durant le procès, ce dernier livre, 19 versions différentes des faits. Certaines l'innocent totalement. Mais rien n'y fait. Roland Agret est bien considéré comme le commanditaire, donc direction la prison. La farce est sinistre. Je tape à la porte de la cellule, le maton vient ouvrir. Qu'est-ce qu'il y a ? Je suis innocent. Et alors ? Qu'est-ce que ça peut me foutre ? Je suis là pour te garder et rien d'autre, alors m'emmerde pas. Joue pas les marioles, sinon c'est le cachot. Incarcéré, Roland Agré essaie par tous les moyens de faire valoir son innocence. Quitte à risquer sa vie. Et ce sera le début d'une longue série d'appels à l'aide. Épaulés par sa femme, Marie-Josée Agré, ils vont tout essayer pour défendre la cause de Roland. Dans cet enregistrement, par exemple, on l'entend dans la prison où il se trouve. Je suis innocent et je ne peux pas en douter. Bon, mais à partir de là, eh ben, à âme crevée, je me battrai. Ma révision de procès, toute ma vie, je me battrai pour, parce que je la veux. Bon, à partir de là, ben, toute ma vie, je me battrai pour la révision. Alors, il faudra vraiment qu'on me la donne ou j'en crèverai. D'abord, il décide d'avaler des fourchettes. Une première qui lui vaut d'opération. Il tord les pics et recouvre l'objet de beurre, l'avale par le manche. À peine remis, il recommence, deux fois. Ensuite, il entame une première grève de la faim. Mais du côté de la justice, rien ne change. Et la descente aux enfers continue. Trois mois après sa condamnation, son pourvoi en cassation est rejeté. À l'époque, la peine n'existe pas aux assises. Et seule la cour de révision pourrait faire annuler une condamnation. En attendant, Agré reste en prison. Et pourtant, Antoine Santelli écrit aux avocats d'Agré pour l'innocenter. Oui, il revient sur sa version des faits. Agré n'a en aucune façon pris part à cette action criminelle. Il ne sait rien, il ne peut rien savoir, et c'est pour cela qu'il est encore en vie. Il n'a servi que d'instrument, qui a permis de couvrir une affaire criminelle des plus importantes. Des intérêts énormes, alimentés par des capitaux très importants, sont en jeu. Je me trouve dans l'impossibilité totale, pour les plus graves raisons, de dévoiler et de faire démasquer les sinistres personnages pour lesquels Agré est détenu injustement. Alors, après ce coup de théâtre, ce rebondissement, comme on dit dans la chronique judiciaire, Roland et Marie-Josée Agré changent de stratégie. Il est vrai qu'en prison, Roland Agré se sent bien impuissant, alors que sa femme, elle, est libre. Et elle s'active dans tous les sens pour libérer son mari. Elle va voir les journalistes, leur présente un dossier rempli de pièces qui innocentent son mari. Elle insiste pour qu'il s'y intéresse. Elle organise également un comité de soutien, rejoint notamment par le philosophe Michel Foucault et l'écrivain Claude Mauriac. Et le soutien de Foucault, c'est important. C'est à cette époque, en 75, qu'il publie en effet sa somme sur notre système carcéral et la politique de répression, surveiller et punir. Mais rien ne change. Alors Roland Agré continue sa grève de la faim. Et puis en avril 75, il monte sur le toit de la prison de Nîmes où il est incarcéré. Et il raconte. Mais je me baladais avec de la ficelle sur moi, on ne sait jamais. Poche pleine de sucre, des cigarettes partout, briquet, tout ça. 30 secondes, j'ai dû mettre pour y arriver. Je ne sais pas comment j'ai fait. Hein. Je me trouve en haut du toit et en plus, il y avait une cloche. Et là, diding, diding, diding. Roland Agré reste plusieurs jours perché sur le toit avant qu'on puisse le faire redescendre. Roland Agré veut se faire entendre à tout prix. Quelques mois plus tard, lors d'une visite d'Hélène Dorlach de Borne, secrétaire d'État à la condition pénitentiaire, il se tient devant elle, vêtu d'un t-shirt sur lequel il a écrit « Je suis innocent et je crève à l'abri de bonne conscience ». Parce qu'il se bat, parce qu'il plaide sa cause et enchaîne les actions, Roland Agré est perçu par l'administration pénitentiaire comme dangereux. Une mauvaise conduite lui est reprochée. Alors on le change souvent de prison. Il est envoyé au Beaumet, à Marseille, dans le quartier de haute surveillance. Il refuse les aménagements de peine que finit par lui proposer Hélène Dorlach de Borne. Et il entame, le 12 janvier 1976, une nouvelle grève de la faim. Et il tient. Au bout du 44e jour, il est transféré à l'hôpital en danger de mort, selon un rapport dressé par un médecin à la demande de son avocat. Dehors, Marie-Josée Agré, à son tour, s'arrête de s'alimenter. Et en 1977, à Pâques, on la porte sur une civière dans une cathédrale à Rouen. La grève de la faim de Roland Agré dure 1 an et 28 jours. Il perd 41 kilos et plusieurs dents. Il est même transféré en réanimation à l'hôpital de la Timone à Marseille. Nous sommes alors le 1er mars 1977. J'entends taper, mais fort, fort au sas. Et là, je me retourne et je vois, comme ça, dans un brouillard, je vois les deux flics qui me gardaient, qui me font signe, on s'en va. Et là, je dis, il se passe quelque chose, mais quoi, je sais même pas ce qui se passe. Et là, il y a le docteur Grandjean qui vient, et qui m'apprend ma grâce. L'état de santé de Roland Agret, sa détermination comme preuve, peut-être, de son innocence. À ce stade, il est impossible de savoir pourquoi le président Valéry Giscard d'Estaing lui accorde une grâce médicale de 3 ans et 8 mois. Bien. Toujours est-il qu'il décroche sa liberté conditionnelle, enfin et après 7 ans de prison. Je voudrais, sans la nommer, vous parler d'elle, comme d'une bien-aimée, d'une infidèle, une fille bien vivante qui se réveille à des lendemains qui chantent sous le soleil. C'est elle que l'on matraque, que l'on poursuit, que l'on traque. C'est elle qui se soulève, qui souffre et se met en grève. C'est elle qu'on emprisonne, qu'on trahit, qu'on abandonne, qui nous donne envie de vivre, qui donne envie de la suivre jusqu'au bout, jusqu'au bout. Je voudrais, sans la nommer, lui rendre hommage. Jolie fleur du mois de mai ou fruit sauvage, une plante bien plantée sur ses deux jambes et qui traîne en liberté où bon lui semble. C'est elle que l'on matraque, que l'on poursuit, que l'on traque. C'est elle qui se soulève, qui souffre et se met en grève. C'est elle qu'on emprisonne, qu'on trahit, qu'on abandonne, qui nous donne envie de vivre, qui donne envie de la suivre jusqu'au bout. Je voudrais, sans la nommer, vous parler d'elle. Bien aimée ou mal aimée, elle est fidèle. Et si vous voulez que je vous la présente, on l'appelle révolution permanente. C'est elle que l'on matraque, que l'on poursuit, que l'on traque. C'est elle qui se soulève, qui souffre et se met en grève. C'est elle qu'on emprisonne, qu'on trahit, qu'on abandonne, qui nous donne envie de vivre, qui donne envie de la suivre jusqu'au bout, jusqu'au bout. C'est elle que l'on matraque, que l'on poursuit, que l'on traque. C'est elle qui se soulève, qui souffre et se met en grève. C'est elle qu'on emprisonne, qu'on trahit, qu'on abandonne, qui nous donne envie de vivre, qui donne envie de la suivre jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout. Aujourd'hui, le calvaire de Roland Agret. France Inter, affaire sensible. Roland Agret, après 6 ans de prison, quel goût a ce premier jour de liberté ? Eh bien, elle a un goût de joie, évidemment. J'ai la main de Marie-Jo dans la mienne. Maintenant, il a un goût très amer, très douloureux, car la mesure qui a été prise de conditionnel est loin de me satisfaire, car on me doit quand même mes 28 ans que rien ni personne ne pourront me rendre. Roland Agret est en liberté conditionnelle, mais il ne se sent pas libre pour autant. En aucun cas, la mesure de clémence du président de la République ne remet en cause sa culpabilité. Donc, si la sanction demeure, seule son exécution est suspendue. Et, au moindre faux pas, Roland Agret pourrait retourner en prison. Pour lui, cette situation est inadmissible. Alors, il continue de clamer son innocence. Mais avant de retourner au combat, il doit se reposer. Son état de santé est très dégradé, ses multiples grèves de la faim ont abîmé son corps, il souffre toujours de troubles intestinaux et surtout de graves carences cardiaques. Il continue son séjour à l'hôpital et ressort main dans la main avec Marie-Josée Agret, plus déterminée que jamais. Roland veut être rejugé, mais pour cela, il faut une procédure en révision qui nécessite un nouvel élément capable de remettre en cause les fondements de sa condamnation. Les lettres d'Antoine Santelli, où le signataire reconnaît avoir menti, ne sont pas suffisantes. Le fait qu'il se soit rétracté à de multiples reprises n'est pas non plus un élément qui permettrait de revoir la procédure. L'avocat de Roland Agret a alors une idée. Porter plainte pour faux témoignage et subornation de témoins contre Santelli qui, dans une lettre, explique qu'il a convaincu son complice de charger Agret. Et la procédure est lancée. Mais le temps de la justice est un temps long. Alors Agret reprend son action avec toujours le souci de frapper l'opinion et, de ce fait, la justice. En janvier 81, place Vendôme, il demande à tous les membres de son comité de soutien de cracher dans un bol. Il met le tout dans une seringue, s'injecte le mélange, s'empoisonne et finit à l'hôpital où il est soigné risquant une septicémie. Quelques mois plus tard, il avale encore des manches de cuillère devant le tribunal de Montpellier, tant cette attente d'un nouveau procès, hypothétique de surcroît, lui est insupportable. Oui, il veut attirer l'attention sur la gravité de sa situation, gracié, mais pas blanchi. En 83, tellement impatient, Roland Agret et son comité de soutien décident de donner 5 jours au ministère de la Justice pour obtenir une réponse. Leur ultimatum ? Si c'est toujours le silence qu'on leur oppose, Roland se coupera un doigt. Et là, le plus difficile dans ce genre d'action inhumaine, c'est le compte à rebours. Parce que je vous garantis, je ne suis pas Bertrand du Guesclin, je suis un homme comme tout le monde. Et là, quand vous rayez le matin, vous dites « c'est maintenant que ça se passe », croyez-moi, c'est dur, dur, dur. Vous avez préparé la planche à découper, le gros couteau, le petit bocal pour mettre votre doigt dedans, c'est l'enfer dans la tête. 5 jours plus tard, il donne rendez-vous aux journalistes chez lui. Le ministère n'a pas donné de réponse. Alors effectivement, il se coupe un doigt, l'annulaire. Il le place dans un bocal que sa femme récupère et l'emporte place Vendôme au ministère de la Justice. J'ai pris un couteau qui est là parce que on a dû me prévenir que on ferait tout pour m'empêcher de le faire. Alors, je l'ai fait avec 1 heure d'avance. Et j'ai appelé quelqu'un pour faire un pansement. Alors, vous avez 2 manches de fourchette dans l'estomac, vous avez un doigt en moins. Jusqu'où irez-vous dans l'autodestruction de vous-même? J'irai plus loin que ça encore. Oh, ça fait mal, c'est pas croyable. Ça fait moins mal en le faisant qu'après. Hein. 1 mois et demi plus tard, enfin Antoine Santelli est jugé. Et c'est un tournant. Il est condamné pour faux témoignage et subornation de témoins. 6 mois de prison s'ajoutent à sa peine. Mais surtout, cet élément change tout. Car il est celui de la dont la justice a besoin pour ouvrir le dossier Agret. Et c'est probablement la fin du tunnel. Mais là encore, Roland trouve toutes ces procédures très longues. Et il a encore le sentiment de ne pas être pris au sérieux. Alors il prend une nouvelle décision radicale, se couper un autre doigt. Cette fois dans un hôtel parisien. Et il choisit l'auriculaire, toujours sur la main gauche. Il met le doigt coupé dans un bocal, l'apporte cette fois lui-même au garde des Sceaux, marchant la main ensanglantée dans un pansement de fortune jusqu'à la place Vendôme, où il dépose son colis, un doigt pour l'honneur, assorti d'un nouvel avertissement à la chancellerie. Si rien ne se passe sous 15 jours, je reviens et je me coule la bouche. 1 mois plus tard, enfin, sa condamnation est annulée. Victoire ! Roland Agret va être rejugé. Et peut-être va-t-il être innocenté. Ce serait seulement la 3e fois que cela arrivera en France depuis 1945. L'audience se déroule à Lyon. Et Roland Agret est toujours aussi combatif. Il connaît son dossier, sa défense et la justice. Se doute-t-il à ce moment précis qu'il va être écouté, cette fois, et que l'affaire va être revue dans son ensemble ? Probablement. Il en a tant vu, il a tant enduré. Et le 25 avril 1985, il est acquitté, libre et sans condition cette fois, et surtout reconnu innocent. Il est ému, on le saurait à moins, il en a fini avec cette affaire. La justice a pris son temps, c'est le moins qu'on puisse dire, mais elle a réparé. Et pour Roland, c'est l'essentiel. C'est justice, simplement, c'est justice. Et, bon, évidemment, c'est une grande victoire... que j'apporte à ceux qui m'ont soutenu, à mon fils, à mes parents, mais évidemment, sur un plan personnel, c'est une grande défaite pour moi, parce que je peux plus retourner la tête, voir les 15 ans que j'ai passé, mais j'ai une chance quand même, c'est que je suis sans haine, et ça c'est important pour moi. 15 ans de combat et autant de souffrances morales et physiques. mais Roland Ingret ne touche qu'une indemnité de 250 000 francs. Une somme qui compense seulement une partie de sa détention, les 18 premiers mois. La justice lui demande tout simplement de s'asseoir sur les années suivantes. Mais enfin, pourquoi ? Reste la liberté et l'honneur retrouvés, et ce n'est pas rien. Alors, le 10 novembre 2005, Roland organise une grande fête. Il est heureux. Mais son combat continue, et ses actions spectaculaires également. Il a mis sa menace à exécution. Une automutilation préméditée à bout touchant. Depuis 30 ans, Roland Ingret demande réparation pour les 7 années qu'il a indûment passées derrière les barreaux. Mais jusqu'ici, la justice préférait l'ignorer. C'est un geste fou de quelqu'un qu'on a rendu fou de douleur. Effectivement, m'amener à commettre des actes comme ça, veuillez croire que je n'ai pas fait de grande gaieté de cœur, ça c'est certain. Et on m'a acculé à ça, oui. L'acte en question, Roland Ingret se tire une balle dans le pied, littéralement. Chez lui, devant ses proches et des journalistes, il prend une arme et il tire. C'est le geste d'un homme fou de douleur. Mais quelle idée tout de même. Comment lui est-elle venue? Eh bien, à ce moment-là, Jacques Chirac est président de la République. Les débats autour de la Constitution européenne battent son plein. Et le chef de l'État déclare à propos de ceux qui s'y opposent « Laissez-moi vous dire une chose. Si vous voulez vous tirer une balle dans le pied, faites-le. Mais après, ne protestez pas. C'est une connerie, je vous dis. » Voilà une idée pour Roland Ingret, qui, dans une lettre à destination du président, écrit que lui aussi va se tirer une balle dans le pied pour protester contre la justice qui refuse de l'indemniser à hauteur du préjudice qu'elle lui a fait subir. Il lui manque 5 années d'indemnisation sur les 7 passées en prison. 2 semaines après la balle dans le pied, le ministre de la Justice, Dominique Perben, annonce à Roland Ingret qu'il va être indemnisé pour les années manquantes. Lui et son avocat sont reçus. Il négocie le montant et s'engage à ne jamais divulguer la somme. Adieu. Soulagé, Roland Ingret vient de jeter son revolver dans le Rhône. Fini, le grand trait est tiré. Entouré de ses amis, aujourd'hui, Roland Ingret vient de tourner une page. Cette arbre qui gît désormais dans l'eau, c'est celle avec laquelle il s'est tiré en novembre dernier une balle dans le pied. Roland Ingret ne se fera plus de mal. C'est une nouvelle vie qui commence, parce que jamais plus rien pour être pareil. On a vécu dans un cauchemar permanent qui pouvait ressurgir à n'importe quel instant. Aujourd'hui, donc, c'est fini. Alors ça, c'est fini. Plus jamais on parlera de l'affaire Ingret. C'est fini, elle est enterrée, elle a fait plus, et c'est bien. Et cette fois, c'est bien la fin du combat. Roland Ingret sourit, ouvre une bouteille de champagne et trinque à la santé, si l'on peut dire, de ses 35 ans de galère. Sa main est mutilée, son corps abîmé, mais il a obtenu ce qu'il voulait. Maintenant, un autre combat commence, pour les autres. Ingret décide d'aider celles et ceux qui, comme lui, subissent une injustice. Et il crée une association, intitulée Action Justice, pour lutter contre les erreurs judiciaires. Il écrit des livres, apparaît dans les médias et veut convaincre la justice de rouvrir une grande affaire. Je vais prendre ma retraite, j'avais acheté des superbes cannes à pêche pour aller pêcher la truite. Et j'ai cette putain d'affaire Le Prince qui me tombe dessus. Après avoir réussi à obtenir votre innocence et réussi, ce qui est très rare, que la justice admette qu'elle s'était trompée, c'est arrivé d'ailleurs combien de fois ? 7 fois dans le siècle. Le premier, c'est Dreyfus. Le troisième, c'est Roland Ingret. Le dernier, c'est Patrick Dils. La justice a accepté de reconnaître ses erreurs 7 fois, 6 fois dans le siècle. On se bat pour que Daniel Le Prince soit le 7e. Dans l'histoire des erreurs judiciaires du XXe siècle, Roland Ingret a été reconnu innocent par la justice. Mais après, quel combat ! Et d'autres procès ont été révisés après le sien. Et il veut que Dany Le Prince en fasse partie. En 97, cette grande affaire, c'est justement ce Le Prince, déclaré coupable de 4 meurtres commis en 94 et condamné à perpétuité avec 22 ans de sûreté. Mais lui aussi clame son innocence. Avec l'aide de Roland Ingret et de son association, la cour de révision est saisie. Après toute une série d'allers-retours judiciaires, Dany Le Prince bénéficie d'une libération conditionnelle en octobre 2012. Roland Ingret, lui, meurt le 18 septembre 2016, à l'âge de 74 ans, dans sa maison en Ardèche. Ce Robin des lois avait un dernier souhait et un sens aigu de la symbolique, qu'on disperse ses cendres, place Vendôme. France Inter. Affaire sensible, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, l'affaire Roland Agré. Notre invité, Nicolas Poincaré, bonjour. Bonjour Fabrice Drouel. Journaliste à RMC, auteur du livre coécrit avec Roland Agré, intitulé « Condamné à tort » et qui concerne, je rappelle, pour pas qu'il y ait de confusion, l'affaire Dany Le Prince, une erreur judiciaire fortement présumée, on va dire ça comme ça. Respectons la procédure judiciaire, puisque l'affaire en révision est en cours, c'est bien ça. Alors, d'abord, Roland Agré, on parlera un peu de Dany Le Prince, bien sûr, mais le cœur du sujet, c'était Roland Agré. Alors, comment l'avez-vous rencontré jusqu'à écrire un livre avec lui? Une relation s'est nouée. Comment ça s'est passé au départ? Alors, au départ, je travaillais pour le magazine 7 à 8 de TF1 et j'avais eu l'œil attiré par un fait divers qui se passait à Toulon. C'était un mafieux corse, un bandit corse qui était accusé, qui se prétendait innocent, et Roland Agré avait pris sa défense. Donc, j'avais appelé Roland Agré pour lui dire l'histoire m'intéresse, est-ce qu'on peut la raconter? Il me dit formidable, il était content parce qu'il savait très bien utiliser la presse, Roland Agré. Il savait que pour faire bouger un dossier, il faut des journalistes. Donc, quand je lui disais que je m'intéressais à son dossier, il était ravi. Il me dit rendez-vous à Toulon. Et lui était sorti d'affaire. Il était vraiment dans l'action pour les autres. Il avait créé cette association Action Justice avec sa femme Marie-Jo et c'était presque devenu son métier. Il s'occupait il était contacté par des gens qui se disaient innocents et il enquêtait et il essayait de faire avancer les dossiers. Si les gens avaient de l'argent, ils se faisaient payer. Si les gens n'avaient pas d'argent, ils le faisaient gratuitement, mais c'était devenu un professionnel de l'enquête contre les erreurs judiciaires. Un redresseur de tort professionnel. Voilà, c'était son métier. Et donc il me donne rendez-vous à Toulon pour parler de cette affaire. Il avait auparavant vérifié que toute la famille du Corse emprisonné allait me parler, allait me raconter l'affaire. Et puis finalement, le Corse, il veut plus qu'il y ait un sujet télé sur lui. Je pense qu'il n'était pas aussi innocent que ça. Et donc on se retrouve à Toulon et plus personne ne va nous parler. Le Corse, depuis sa prison, a demandé à toute sa famille de ne pas nous parler et donc, chou blanc. Et Roland Agré était embêté, il m'avait fait déplacer pour rien, moi j'étais embêté aussi et je lui dis mais en fait c'est pas grave parce qu'on avait fait connaissance entre temps, on s'était tout de suite très bien entendu avec lui et avec sa femme parce qu'ils étaient inséparables, ils étaient tout le temps ensemble Marie-Jo et Roland Agré, on ne voyait jamais l'un sans l'autre. Et donc je leur dis c'est pas grave, je ne suis pas venu pour rien parce que je vous ai rencontré et c'est une belle rencontre et je ferai bien le portrait de vous deux et de l'histoire de votre vie, l'histoire que vous venez de raconter, l'histoire de l'erreur judiciaire, du combat qu'ils ont mené ensemble, etc. Et alors Marie-Jo, elle est assez timide, elle aime pas trop la télé, il l'avait jamais tellement raconté. Roland Agré avait beaucoup parlé de tout, mais Marie-Jo pas tellement. Mais là, il m'était redevable en quelque sorte puisqu'il m'avait déplacé pour rien, etc. Donc on se dit bon allez, on laisse tomber le Corse, l'affaire de Toulon. On prend nos voitures, on va à Valence parce qu'ils habitaient à Valence, et puis on s'installe chez eux 2-3 jours pour que je leur fasse raconter toutes leurs histoires. Et on sort les photos et je filme les photos et on rentre dans les détails et puis on fait un reportage sur eux qui est diffusé et on devient amis comme ça. Et alors, comment vous a-t-il convaincu de travailler avec lui pour un livre sur Dany Le Prince, à moins que ça soit vous qui l'ayez Non, non, c'est à ce moment-là, en fait, effectivement. Ouais. On devient copains, on garde le contact, et puis il me parle de plusieurs dossiers qu'il a en cours, parce qu'il avait tout le temps sur le feu plusieurs affaires. Et je lui dis, écoute, Roland, je vais pas faire 10 reportages pour 7 à 8 sur des erreurs judiciaires, je vais en faire un. Donc, dis-moi quel est le plus innocent de tes innocents, et je veux bien me pencher sur l'histoire, mais je vais pas traiter tous tes dossiers. Bon. Et il me dit, le plus innocent de tous les innocents que je défends, c'est Dany Le Prince. Et moi, ça me disait quelque chose. On l'avait appelé le boucher de la Sarthe. Il avait été condamné pour avoir tué son frère, sa belle-sœur et deux de ses nièces. C'était dans la Sarthe. Les deux frères Le Prince habitaient l'un et l'autre côte à côte, deux maisons très très près. Christian, l'autre. Voilà. Mmh. Christian et Dany Le Prince habitaient juste à côté. Ils étaient tous les deux mariés. Ils avaient tous les deux 3 filles. Donc ça faisait 6 petites cousines qui grandissaient ensemble. Tout se passait bien. Et un jour, dans la maison de Christian Le Prince, on retrouve tout le monde morte, sauf la plus jeune qui avait 2 ans et qui a été sauvé, mais on retrouve donc Christian, sa femme et ses 2 filles aînées mortes, et Dany Le Prince a été accusé puis condamné pour ce crime. Moi, je connaissais un petit peu l'affaire et j'avais jamais entendu dire que Dany Le Prince pouvait être innocent. Donc je me dis, oh non, mais c'est quoi cette histoire? Et il me dit, prends le dossier. Et Marie-Jo me dit, attention Nicolas, si tu mets un doigt dans l'affaire Le Prince, t'en as pour 10 ans. Mmh. Et en fait, j'en ai eu pour 20 ans. Fait, cette affaire m'a omnibulé pendant 20 ans. C'est tellement de choses, les allers-retours en prison, les procédures judiciaires, mais c'est plus qu'un livre de 1000 pages, quoi. Oui. Alors, effectivement, à l'époque où je commence à prendre le dossier avec Roland Agré, pratiquement personne ne disait que Daniel Le Prince pouvait être innocent. Donc je suis allé là-bas, dans la Sarthe, j'ai vu ses parents, j'ai vu son frère, j'ai vu ses copains du foot, etc. Et puis tout le monde là-bas, dans le village, à Torigny-sur-Deux, était persuadé au bout de plusieurs années d'ailleurs, était persuadé que Daniel était innocent et avait envie de le prouver. Et donc ça a été un très très très long combat qui est passé par des reportages, hein, comme souvent. Et puis, je suis sorti de mon rôle pour la seule fois de ma vie, c'est-à-dire qu'au lieu de me contenter de faire un reportage et de rester un petit peu neutre, un petit peu extérieur, j'ai fini par être touché par cette affaire. Je suis allé voir Daniel Le Prince au parloir, à la centrale de Poissy. Je connaissais sa famille, j'étais touché par ses parents. Et puis, j'étais de plus en plus convaincu que ça collait pas, que en tout cas, il a été condamné parce qu'il avait été accusé par sa femme et sa fille, ce qui est quand même lourd. C'est quoi le mobile, accusé? Pourquoi sa femme et sa fille disaient l'avoir vu tuer son frère avec une feuille de boucher. Oui, mais il y avait une explication, un mobile, pourquoi ils l'auraient tué? La femme et la fille ne disaient pas le mobile, ils disaient on l'a vu tuer son frère. D'accord, et ensuite on a découvert les cadavres. Ouais. Et ensuite l'accusation a estimé qu'il y avait une jalousie entre les deux frères. Il y en a un qui avait réussi, qui avait un garage, Christian, qui avait de l'argent, qui avait une voiture décapotable, et l'autre, Dany, qui a été beaucoup plus laborieux, qui était obligé de cumuler un emploi d'agriculteur avec un emploi d'ouvrier la nuit sur une chaîne dans une boucherie industrielle, etc. Donc il y avait la thèse officielle, c'est que il y avait une jalousie entre les deux frères. Et puis on avait retrouvé, comme par hasard, sur la table, au milieu dans la maison pleine de cadavres, on avait retrouvé une reconnaissance de dette, parce que Dany devait un petit peu d'argent. Donc tout ça a suffi pour le faire condamner à perpète, alors que, je pourrais vous en parler des heures, il y avait énormément d'éléments qui l'innocentaient, qui ne rendaient pas crédible, en tout cas, sa culpabilité, telle qu'elle a été présentée par ses accusatrices. C'était quoi l'élément qui a vraiment fait basculer le sentiment de la justice d'une culpabilité à une peut-être innocence? Alors, c'est tout ce que Roland Agré a réussi à faire sortir, parce que c'est lui, c'est lui qui fouillait, qui allait chercher. Alors il y a eu plein d'éléments. Il y avait le fait que il y a pas une tache de sang sur son pantalon, alors que on a retrouvé le pantalon qu'il portait le soir des crimes. Il y a pas une tache de sang, donc il a tué 4 personnes sans une tache de sang. Il y avait pas une seule trace ADN de lui. Il y avait des traces de chaussures dans la maison. C'était des Doc Martens taille 39, or il fait du 44, donc ça collait pas non plus. Il y avait un couteau qui avait été retrouvé sur lequel il y avait des ADN d'inconnus, mais qui n'était pas le sien. Ça fait beaucoup. Alors en fait, la cour de révision, dans un premier temps, a accepté de rouvrir le dossier en estimant que tous ces éléments mis bout à bout former ce qu'on appelle les éléments nouveaux qu'il faut pour pouvoir obtenir une révision. Et puis, donc, il a été libéré à ce moment-là, ce qui arrive rarement. Avant, la commission de révision a décidé de rouvrir le dossier et, tellement persuadé de son innocence, l'a remis en liberté. Alors qu'il avait une peine de sûreté de 22 ans et qu'il n'en avait accompli que 17. Mais enfin, il était déjà en prison depuis 17 ans. Et il a été libéré. Et la cour de révision, tout le monde s'attendait à ce qu'elle valide ça après une audience. Et il arrive à l'audience et il repart en prison et il est reparti encore finir de purger sa peine avant de finalement avoir une grâce et sortir. France Inter. Affaires sensibles. Nicolas Poincaré, puisque vous avez écrit un livre avec Roland Agré, je vais vous demander quel est l'homme. On l'imagine fort en gueule. Déterminé, alors ça, même pas besoin de l'imaginer, hein, ce sont les faits. Comment était cet homme? Alors, il était, grande gueule, vraiment grande gueule, très très fidèle en amitié, c'est-à-dire qu'il c'était sa façon de fonctionner. Il vous rencontrait une fois et il vous lâchait plus. Il vous appelait une fois par semaine, minimum, pour demander comment ça va. Et alors, donc, il faisait ça avec avec un certain nombre de journalistes. Il a toujours su attirer la sympathie quand il s'agissait de prouver son innocence, quand il se coupait les doigts, quand il avalait des fourchettes au tout début des années 80. Il avait plein de copains à Charlie Hebdo, à Rakiri, Libération, au Canard Enchaîné. Il rencontrait une fois un journaliste, il restait copain, mais pas que les journalistes. Moi, il m'a présenté des grands magistrats, il m'a présenté des grands flics, des chefs de la brigade criminelle il adorait mélanger les gens comme ça. Il était très très généreux, pas très riche, hein, mais très très généreux. généreux. Au resto, c'est toujours lui qui payait. Et puis, c'était souvent assez cher parce qu'il y avait souvent pas mal de bouteilles qui avaient été descendues pendant le dîner. Donc, il était comme ça. Et il était toujours donc, à côté de Marie-Jo, sa femme. Alors, qui est juste le contraire. Parlez-moi de Marie-Jo. Alors, Marie-Jo, c'était juste le contraire. C'était la discrétion faite femme, très timide, très réservée. Le contraire de Roland, sauf que, il se connaissait au moment de l'arrestation de Roland, hein, donc dans les années 70, quand il est accusé à tort d'avoir fait assassiner son patron. Ils étaient déjà ensemble. Je crois qu'ils se sont mariés en prison, juste après sa condamnation. Mais enfin, ils étaient déjà ensemble avant. Donc, s'ils étaient ensemble, il n'est pas allé avec Odile Boissonnet, peut-être? Alors, il est parti avec la femme de son garagiste, hein, de son Odile Boissonnet. Odile Boissonnet, oui. Ils sont allés à l'hôtel, et là, je ne sais pas exactement ce qui s'est passé. Bon, peu importe. Mais en tout cas, il était. Ça le regarde. Voilà. Et ça ne regarde pas. Mais il était en tout cas donc avec Marie-Jo, qui ne l'a jamais quitté. Et alors, tout à l'heure dans l'histoire, vous évoquiez le fait qu'elle-même a fait des grèves de la faim à l'extérieur, pendant que lui faisait des grèves de la faim en prison, et le fait qu'un jour, elle a été à la cathédrale de Rouen. Alors, il faut raconter cette scène, parce qu'elle est exceptionnelle. À l'époque, le maire de Rouen, c'était Jean Le Canuet, qui était aussi le garde des Sceaux. Donc, qui était... un personnage très important de la politique française. Ouais. Chef de file des centristes, candidat à la présidentielle en 65. Et quelqu'un de garde d'important. Quelqu'un qui pèse. Et donc, Marie-Jo était déjà en grève de la faim, elle était dans un état de faiblesse terrible, et ce sont des amis à elle, un infirmier qui la pose sur un brancard, et il rentre dans la cathédrale le jour, un dimanche matin de Pâques, le dimanche de Pâques, au premier rang, il y a le maire, le député maire de la ville, le garde des Sceaux, enfin bon, Jean Le Canuet, et on va poser Marie-Jo sur son brancard, au pied du garde des Sceaux, le jour de la messe de Pâques. Vous imaginez le scandale. Et donc, la messe s'arrête, tout le monde se demande ce qui se passe, etc. Et quelqu'un dit au garde des Sceaux, écoutez, si vous promettez de vous pencher sur le dossier Agrès, on vous la retire. Sinon, on vous la laisse à vos pieds pendant toute la messe. Bien joué, quand même. Et c'est quand même énorme. Et le garde des Sceaux dit, oui, retirez-la-moi, s'il vous plaît. Là. Retirez-moi cette femme mourante là que vous venez de me poser à mes pieds. Et puis, je vous promets, je jetterai un coup d'œil au dossier. Et ce qu'il va faire. Et c'est un des tournants dans l'affaire Agrès. Voilà. Donc, lui était mourant à l'intérieur de la prison. Tout à l'heure, vous disiez, on ne sait pas très bien pourquoi Giscard l'a gracié. Giscard l'a gracié parce que sinon, il serait mort. Dans les heures qui allaient venir. Je ne voulais pas l'affirmer parce que je ne savais pas, mais très bien. Mais vous avez précisé qu'il était, ça faisait plus d'un an de grève de la faim. Vous imaginez dans quel état on est. Il était nourri par perfusion depuis des mois et des mois. Donc il était mourant. Donc quand Giscard le gracie, il est mourant. Et Marie-Jo n'était pas en bon état non plus. Donc ce combat est extraordinaire. Cet homme et cette femme qui s'aiment, qui sont mariés et qui mettent la même énergie l'un et l'autre pour prouver leur force. Alors après, ils ont continué tout le temps, et quand Roland Agrès se coupe les doigts, Marie-Jo est toujours juste à côté, discrète, on l'entend pas dans les archives sonores, on l'entend pas dans les reportages radio, dans les télés, toujours hors champ, mais elle est là, et puis jusqu'au bout, le dernier acte qu'il a fait, c'était donc de se tirer une on va parler justement, il avait une façon de prendre à la lettre certaines expressions et de les traduire dans les actes. Donc il y a la balle dans le pied, il n'y a pas que ça. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. La conférence de presse. Ça. Donc la balle dans le pied, et puis après il y a la conférence de presse. Oui, alors donc il défendait Dany Le Prince, et il trouvait que Dany Le Prince, qui était donc en prison depuis 17 ans, pour un crime qui... Roland était persuadé qu'il n'avait pas commis, et il trouvait que Dany Le Prince était un peu mou dans sa défense, hein, il était un peu passif comme condamné à tort. Et donc, il n'arrêtait pas de lui dire. Mais bon sang, mais bats-toi, quoi, crie, hurle. Et l'autre, il dit, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je suis à poil face à la justice. Et Roland Agrès prend l'expression au pied de la lettre, comme se tirer une balle dans le pied. Il lui dit, t'es à poil face à la justice? Eh ben, fous-toi à poil. Fous-toi à poil dans ta prison, tu refuses d'aller aux ateliers, tu refuses de sortir, tu refuses d'aller au parloir, et tu fais savoir que tu es nu face à la justice, et tu te mets à poil. Et Dany Le Prince le fait. Donc il se met à poil dans sa cellule, il renvoie ses vêtements et il est à poil dans sa cellule. Et puis Roland Agrès s'occupe de le faire savoir dans la presse. Il dit ce prisonnier, nu face à la justice, à poil dans sa cellule. Et puis pour marquer le coup, il dit je vais faire une conférence de presse à poil. Et donc il va faire une conférence de presse dans un hôtel du Mans, parce que souvent, c'est comme le fait divers était dans la Sarthe, c'est toujours au Mans que tout se passait. Il fait une conférence de presse, Roland, et puis il m'appelle juste avant. Il me dit, tu sais, je crois que je préférerais me couper un doigt plutôt que d'aller me montrer à poil devant les journalistes. En fait, il en était malade à la dernière seconde de l'idée d'aller se mettre à poil devant tout le monde, mais c'était la seule façon qu'il avait trouvé d'attirer l'attention. Moi, je lui ai dit, attends, mais Roland, t'es pas obligé de te balader à poil. Tu prends une table, tu mets une nappe sur sa table un petit peu, voilà. T'arrives avec un peignoir, et puis une fois que t'es assis face au journaliste, t'enlèves ton peignoir, et personne ne verra rien. Oui. Et c'est ce qu'il a fait au bout du compte. Et puis voilà, les photographes sont venus sur le côté, ils ont fait deux, trois photos comme ça pour montrer qu'il était nu. Et alors, il m'avait dit, tu viens avec moi à la conférence de presse à poil. Et je me suis un peu dégonflé sur le coup. Je lui ai dit, écoute, non, je te laisse la faire, la conférence de presse à poil. Mais il avait une imagination très, très fertile, effectivement, pour toujours faire parler des cas dont il s'occupait. Alors, pour ce qui concerne les gens accusés à tort, parfois ça peut remonter très loin. Donc, je vais rappeler une information. Il y a l'affaire Miss Etienneau, qui était accusée d'avoir assassiné un garde-chasse dans les années 50. Ça fait 70 ans maintenant. Et la cour de révision a été saisie. Donc, 73 ans après leur condamnation. Et la procédure de révision est en cours, là, pour une affaire qui remonte à 70 ans. Vous avez le sentiment, vous, que les choses ont évolué concernant la justice dans sa capacité à reconnaître les erreurs judiciaires ? Alors, le rythme des révisions accordées s'est un petit peu accéléré, hein, puisqu'on disait tout à l'heure que dans l'après-guerre, enfin, entre Dreyfus et un jeune boucher qui s'appelait Devaux dans les années 50, il y en a eu zéro. Hein, donc, pendant 50 ans, la justice n'a jamais reconnu qu'elle s'était trompée. À partir des années 50, il y en a un, deux, il y a Roland Agret dans les années 80, il est seulement le troisième. Et depuis, ça s'est accéléré, il y a eu Patrick Dill, il y en a eu un certain nombre, Marc Machin, oui. Loïc Séché et d'autres. Je crois qu'on maintenant on en est à 10, 12, 13, donc il y en a eu un petit peu plus, mais ça reste encore tout à fait exceptionnel. Et en ce qui concerne Daniel Prince, donc qui a failli l'obtenir, qui ne l'a pas obtenu, qui maintenant est dehors, il a refait encore une demande d'enquête en révision et l'enquête en révision est en cours. Donc ça, ce dossier, qui était vraiment le dossier qui tenait le plus à Roland Agret, ce dossier-là n'est pas clos, l'enquête se poursuit. Toute dernière question, comment vous avez travaillé avec lui pour écrire le livre ? Lui, il a apporté des informations, vous avez écrit ou vous faisiez les deux la même chose ? Comment s'est passé ? Lui, il avait une plume extraordinaire. Et, Ah oui, il écrivait très très bien. Et donc la vérité, c'est que lui a écrit le bouquin et moi la préface. Et on a co-signé le bouquin parce que le combat était commun. Mais il faut, si vous lisez Condamné à tort, vous verrez, il y va franchement. Quoi. C'est une plume très très sharp. Alors c'est un livre qui n'est pas sorti hier. Non, ça date, je n'ai pas lu la date en tête, mais c'est une histoire, quand je vous ai dit que ça m'avait pris 20 ans de ma vie, cette histoire, ça fait presque 20 ans. Merci infiniment en tout cas Nicolas Poincaré pour votre témoignage et vos éclairages. Merci, au revoir. À bientôt. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, l'affaire Roland Agret, une émission que vous pouvez réécouter en podcast bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Julien Dumont.